Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Paris, c'est une blonde. Paris, reine du monde. Le Tes yeux toujours rieurs, tous ceux qui te connaissent, grisés par tes caresses, s'en vont. Malgré ce qu'on en dit, a les mêmes attraits que les autres. Mais oui, mais elle possède un ravir, la manière de s'en servir, voilà. Elle a perfectionné la façon de se donner. Mais ça c'est Paris, ça c'est Paris. Paris, Paris, c'est une blonde, c'est une blonde. Paris, Paris. C'est l'air mon cœur. À tes amours, ça c'est Paris.